Bonjour Roderick, bonjour Philippe, bonjour à tous les deux. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2021 et je voulais profiter de ce petit enregistrement pour vous faire part de ma réflexion quant à l'utilité du podcast pour nous amener vers le jardin merveilleux. Mais avant tout, je voulais vous prier de bien vouloir m'excuser pour ma véhémence lors de notre dernier entretien. Que cela me serve de leçon pour conserver à l'avenir toute la bienveillance nécessaire à la bonne tenue de nos échanges. Cela dit, revenons au podcast du Jardin Merveilleux. Aujourd'hui, ce médium comprend 23 épisodes. Initialement, j'avais pensé en faire un bloc-notes des enregistrements de nos échanges quasi hebdomadaires. Je ne pensais pas les mettre sur la toile. C'est Philippe qui, nous pensant prêts, a ouvert nos rendez-vous aux lecteurs du site. Avec un peu de recul, je pense que nous avons été un peu vite en besogne et il est grand temps de se ressaisir pour que ce médium devienne un bon outil au service du Jardin Merveilleux. Pour ma part, je pense que nos enregistrements passés doivent être laissés en stand-by et progressivement disparaître de la sphère publique. Ils doivent être remplacés par une communication mieux construite. J'entends déjà Philippe me dire « Et le sacré dans tout ça ?» Pas de souci, mon ami Philippe. Tout arrive. Attends un tout petit peu. Chaque médium a ses règles. Comment, à mon sens, bien communiquer à travers un podcast? En se définissant une ligne éditoriale claire sur laquelle je vous invite à réfléchir. À qui veut-on s'adresser? Sous quelle forme? Conversation, réflexion individuelle, interview? À quelle fréquence? Hebdomadaire, mensuel? De toute façon, il nous faudra privilégier des travaux de qualité, donc avoir du temps. Raison pour laquelle on veut faire un podcast. Quels objectifs veut-on se donner et comment les atteindre? Quel message veut-on faire passer à nos auditeurs? Voulons-nous ou pas les fidéliser? Souhaitons-nous assortir nos travaux d'un bref résumé avec des mots directeurs qui seront référencés par Google? Voilà quelques-unes de mes réflexions augurant de la bonne réussite de notre démarche. Maintenant, quels sont les atouts d'un podcast? C'est tout d'abord un vrai retour aux sources, vers une culture orale, où la voix est privilégiée. C'est la voix qui crée l'émotion et transmet cette émotion à notre auditoire. C'est la puissance des mots qui donnera un sens à notre démarche. Ce sont nos mots qui interpelleront notre auditoire et lui donneront envie de venir sur le jardin merveilleux. Le podcast humanise la parole et crée un espace d'intimité avec l'auditeur. Je crois qu'un travail de qualité sera le meilleur garant de notre envie de transporter l'autre vers le merveilleux. C'est par la sincérité de nos mots que nous créerons chez notre auditoire un climat de confiance qui lui donnera envie de rejoindre le jardin merveilleux et de s'y engager. Voilà quelques directions que je vous propose d'explorer. Qu'en pensez-vous? Passez de l'opératif au spéculatif pour conquérir cette parcelle de divinité qui est en nous. Voilà quel est mon challenge et mon cheminement vers le jardin merveilleux. Dans l'espoir de vous retrouver très vite, avec de jolies réflexions à partager, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.